Vous pouvez réécouter cette émission ainsi que consulter la liste de toutes les chansons jouées via le CISM893.ca et l'application mobile de CISM. Bonjour à toi, cher auditeur de CISM. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolene Ruet jusqu'à 4 heures. Critique de Crowd! Ben oui, je m'énerve. Je suis toujours bien heureuse de te visiter full, de te découvrir sur différentes facettes. Et ce sera le cas cette semaine, puisque deux événements tout à fait différents. Mais oh! C'est quasiment un spécial Vieux Montréal. Puisque j'étais au Centre Phi et à un festival qui était au Vieux-Port, ben oui, Ancient Future, ou sûrement durant l'émission, je vais dire Ancien Futur, parce que oui, il y a un T, il y a un E pour bien le prononcer en anglais, mais je risque de me tanner, fait que je vais dire Ancien Futur à un moment donné. Alors voilà, et sinon, au Centre Phi, je suis allée au Die Pas Die, ça fait plusieurs fois que je le mets dans mes suggestions de la semaine et j'étais toujours pas allée. Alors un merveilleux concept de session d'écoute attentive, le mot est assez important. Et quand je suis allée, c'était une expérience free jazz avec l'écoute des albums de Sun Ra, Cosmic Tones for Mental Therapy et Snake Whiskey avec leur projet Snake Whiskey. Oui, c'est des jeunes de jeunesse cosmique. Hey, c'est pas du monde de CISM, ça. Écoute, tout est dans tout. Tout est dans tout. Tellement dans tout que, écoute, on va jaser avec un ancien animateur de la station, Julien, qui anime les Die Pas Die. Hey, c'est-tu pas beau, ça? Fait qu'une merveilleuse entrevue tout de suite après la musique, puisqu'on va écouter les Deluxe avec les Mauvais Gars. Ça, c'est juste un rappel à moi-même que c'est leur lancement ce soir, puis je veux y aller. Fait que je vais être au La Tulipe. Oui, oui, je m'en rappelle et on en écoute tout de suite. Les Mauvais Garçons, c'est une chanson qui se retrouve sur leur album Pit Pit et Grenaille volume 1. Je dis le leur, mais ils le partagent puisque c'est tout à fait regroupement de plein d'artistes et de merveilleuses chansons rock. Sur les ondes de la marge. Ben oui, c'est, peut-être ça va vous donner encore plus le goût d'aller au lancement de leur plus récent album qui se retrouve sur le palmarès anglophone de CISM. Hey, j'ai quelqu'un à l'autre bout de la ligne. Julien, es-tu présent? Oui, je suis là. Salut, Jolene. Allô, allô. Hey, c'est drôle la présentation que j'ai faite pour les auditeurs de CISM, comme s'il y avait un seul et unique Julien à la station et ancien animateur de fil en vinyle. Et c'est moi. Effectivement, on a hâte à ton retour, mais d'ici ce temps-là, tu es l'animateur des Die Pas Die. Qu'est-ce que ça mange en hiver? D'être sage en hiver, mais justement, on travaille sur la programmation d'hiver, donc c'est encore un peu flou, mais d'iPodize, ce sont des sessions d'écoute attentive de musique où on écoute des albums au complet, ce qu'on fait rarement aujourd'hui. Donc, c'est un peu, si on veut, une alternative au mode de consommation de la musique actuelle. Et le concept est français, si je me trompe pas. Il y en a un à Lyon, à Paris, et depuis 2014, ça existe à Montréal. Exact. En fait, c'est drôle parce que c'est né d'une rencontre entre... non, pas c'est né d'une rencontre, je reprends. C'est quelqu'un que j'ai rencontré à l'Université de Montréal au tout début. OK. Et qui, on a gardé contact, lui aussi... tripait vraiment musique, il a évolué un peu dans ce milieu-là, puis j'ai vu à un moment sa campagne Kickstarter pour d'iPodize, j'étais moi, j'avais l'émission de Phil en vinyle, et donc ça me parlait, puis j'ai dit en rigolant, ça c'est l'histoire que je raconte, là, que s'il voulait que ça soit à Montréal un jour, ben, qu'il y avait qu'à me faire signe, puis deux semaines plus tard, j'avais un email venant de lui, donc c'est vraiment, c'est l'organisation, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, et ça a l'air gros quand on dit... Montréal, Paris, Lyon, Montréal, mais c'est finalement quelques collaborateurs ensemble qui ont vraiment la musique à cœur et puis ça se passe comme ça, ça a grandi assez rapidement. Ah, oh, c'est bien beau, mais vraiment la passion du vinyle est présente dans tous tes projets visiblement. Ben ouais, c'est vrai que là ça commence à faire beaucoup finalement. Hein. Mais parce que d'iPodize, je pense qu'il faut quand même le spécifier que c'est aussi des écoutes de vinyle et pas nécessairement des CD en tout cas de ce que ça a été mon expérience. Mais faut faire attention à ça parce que oui, c'est clair que d'iPodize peut-être priorise le vinyle quelque part. Ben c'est tout ce qu'on a utilisé jusqu'à maintenant, mais on veut pas que ça soit exclusivement des vinyles. On veut pas se fermer à d'autres possibilités. Puis on essaie justement de s'éloigner un peu de cette idée d'écoute de vinyle, parce que bon, premièrement, avant tout, on écoute la musique. On écoute pas non plus un système de son qui est de très grande qualité. C'est assez incroyable. Jamais capoté sur un son même. Ouais, c'est vraiment cool. Puis donc on écoute pas le vinyle, on écoute pas le système de son, c'est vraiment c'est pas un événement non plus audiophile, c'est beaucoup plus mélomane. Donc ça c'est des différences qui sont importantes mais quand même assez c'est assez proche l'un de l'autre. Mais qui dit qu'un jour on n'écoutera pas des cassettes ou des vieux tapes là, de je sais pas. Et c'est aussi parce qu'on veut pas se réduire à des groupes qui font juste des albums en vinyle, ça serait un peu dommage. Mais c'est jusqu'à maintenant, c'est vrai que ça a été sur vinyle. Ouais. Oui, je vais avoir plus le temps d'en parler durant ma critique de Crow, mais il y a vraiment un environnement dans lequel on écoute l'album, les divans, la lumière, le lieu en tant que tel. Il y a quelque chose de vraiment particulier à l'événement, mais le tout premier, il s'est fait au Divan Orange. Comment vous sélectionnez les salles? Comme on peut, je te dirais. Oh! non, je... les deux premiers étaient au Divan Orange. C'était pas nécessairement des sessions test, quoique un peu, parce qu'on reprenait les albums qui avaient été passés à Lyon, puis Paris a fait la même chose aussi. C'était les Beach Boys avec Pet Sounds et Panda Bear avec Person Pitch pour la première session. Puis on l'a fait au Divan Orange, qui nous ont très gentiment accueillis. Puis le fait que je dise un peu plus tôt là, tout à l'heure que d'iPodize c'est une organisation quand même relativement petite, ça vient aussi avec des contraintes budgétaires qui fait en sorte qu'il faut finalement on s'arrange un peu comme on veut avec beaucoup de partenariats, des ententes comme ça avec énormément surtout des personnes qui croient au projet puis des mélomanes vraiment dans l'âme. Ce qui rend le tout super agréable, mais donc deux premières sessions du Orange et par la suite moi j'étais en contact avec le centre FI pour d'iPodize, ils trouvaient le projet très intéressant, puis on a bâti une super belle collaboration et partenariat, donc ça fait maintenant 5 sessions qui se déroulent au centre FI, puis on travaille sur une programmation pour L'automne, on ne sait pas encore, mais 2017 là, qui arrive assez vite. Oui, oui, parce que là, je vais donner le goût au monde d'y aller, mais les prochaines seront annoncées sur les internets. Tu as beaucoup mentionné aussi l'aspect que vous étiez une très petite équipe, et c'est aussi une petite crowd, quelque chose de bien intime pour écouter les albums. Et comment vous les choisissez? Parce que oui, il y a eu les choix français, là, je pense Serge Gainsbourg puis Jean-Claude Vanier dans le temps des Franco, ça, c'était les choix français ou c'était les vôtres? Ben, on avait déjà pensé à Gainsbourg parce qu'il y a certains albums comme Histoire de Melody Nelson qui sont des albums concept. En plus de ça, il y a, bon, peut-être que je pourrais revenir un peu sur le concept justement de Dipoda avant, c'est que on écoute deux albums au complet et les albums, on les choisit selon certains liens qu'on peut faire entre les albums. Donc, d'une part, on essaie de choisir un album, le premier, disons, qui est un album classique qui date de, peut-être d'une, il y a un peu plus longtemps, qu'on visite ou qu'on revisite. Et ensuite, on essaie de trouver un match d'un groupe local ou canadien qu'on écoute après. Et ça, je veux dire que ça, c'est un défi parce que ça peut être lié à plein de choses, hein, les liens qu'on établit entre les albums. Ça peut être les sonorités, le style, le lieu, la production, l'approche artistique. Oui, puis dans le cas du free jazz, ça a vraiment été le cas. Ouais, c'est ça, parce que bon, là, on s'est vu à la dernière session, qui était fin 28 août, je pense, au Centre Phi. C'était une session free jazz, on écoutait Sun Ra, l'album Cosmic Tones for Mental Therapy, suivi de l'album de Snake Whiskey, le seul et unique album de Snake Whiskey, intitulé Snake Whiskey, de Jeunesse Cosmique. Puis, pour expliquer un peu comment est-ce que, justement, la programmation est faite, ben, que Jeunesse Cosmique a fait, dans le cadre de Sony Peripopolo, un concert hommage à Sun Ra, ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Puis après, ben, j'ai contacté les gens de Jeunesse Cosmique et de Snake Whiskey pour voir s'ils seraient intéressés à faire cette session-là, parce que pour les sessions, on invite aussi des invités. Il y a des invités qui sont sur place, donc, soit des musiciens ou des gens de l'industrie, chroniqueurs, journalistes, qui sont là pour donner un peu de contenu aux gens qui viennent écouter, présenter les albums, puis ensuite faire la discussion avec le public. Donc, un autre des aspects d'Hypodi, c'est de rétrécir un peu le fossé entre la musique et le public, et puis les musiciens, puis l'aspect création, l'aspect enregistrement de la musique et des albums. Donc, il y a plusieurs facettes aussi à Dipoda. Ouais. Oui, l'interaction avec la foule à la toute fin. J'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est toi ou quelqu'un d'autre dans la foule plus tôt dans l'année, qui m'a dit qu'il y avait eu des danses lascives durant un Dipoda. Ce n'est pas celui de Malajub pour la non. Trompe-l'œil? Parce que je me suis dit, le monde sera relativement calme. Pardon? J'ai dit, la foule peut être relativement calme, mais j'ai eu des anecdotes de danse qui avoir un certain laisser aller. En effet, c'est arrivé une fois. C'est pas sur Malajub, alors que ça aurait pu être le cas. C'est sur un truc beaucoup plus étonnant. C'est qu'on a fait l'écoute de Scott Walker et suivi du dernier de David Bowie. Donc, Scott Walker, un peu avant-gardiste, très sombre, assez flyé, bizarre. C'est la dernière musique sur laquelle on a envie de danser, toi et moi. Et c'était pas nécessairement une danse lascive, c'était un genre de ballet yoga. Ah, ben, quoi que des beaux mouvements ondulatoires, ça peut c'est ça. Écoute. Je veux pas, à Dipoda, évidemment, on ne dicte pas comment est-ce que les gens doivent se comporter, mais c'est vrai que ça portait pas tellement à la concentration sur la musique, c'était assez inusité. Ah, mais moi, ce que j'aime de l'anecdote, c'est que c'est vraiment synonyme de potin, parce que j'ai eu le temps de toutes déconstruire l'histoire, mais t'as pu nous la rassembler vu que t'étais présent. Imagine ce que ce serait devenu comme histoire à la toute fin. Je pense que ça aurait fini comme Ben, c'est bon, ça aurait créé une espèce de hype, là. Tout le monde aurait voulu savoir qu'est-ce qui se passe à Dipodin. Par rapport au crowd, c'est bizarre, parce que je pensais à ça avant que tu t'appelles. Moi, je pense que c'est rare que dans les crowds, qui soit content quand les gens aient les yeux fermés et qu'ils bougent pas ou qu'ils balancent la tête peut-être un peu. Mais moi, quand je vois ça, je me dis que la mission est accomplie. Oui, c'est une ambiance tout à fait particulière. Je vais pouvoir redétailler. Là, j'ai l'impression que le public de CISM est un peu averti de la situation. Mais sincèrement, quand tu rentres dans la salle, puis moi, je suis arrivé en retard, là, ça a eu un gros, gros clash, plus qu'on pourrait penser tout simplement des gens qui écoutent un album. Il y a une ambiance qui ressort des Die Pas Die. Mais merci beaucoup, Julien. Je souhaite que tu en aies tout plein d'autres pour 2017-2016. Est-ce qu'il y en a une autre? J'y travaille, ça sera annoncé bientôt. C'est parfait. De toute façon, je vais pouvoir le partager sur le Facebook de Critique de Crowd ou le repartager sur les ondes pour le prochain. Hey, on a beaucoup parlé de Jeunesse Cosmique. J'avais envie d'écouter quelques-uns de les albums qu'ils ont produits. Alors, Hazy Montagne Mystique, on va en écouter et on va aussi entendre Yeti Dei. Merci beaucoup, Julien, et à bientôt. Merci à toi. Bye bye. Sec, arrosé. C'est pas très gai pour moi. Non, c'est triste. Mais je ne suis pas responsable. Moi, je crois qu'on est toujours responsable de ce qu'on fait. Je lève la main. Je suis responsable. Je tourne la tête à droite. Je suis responsable. Je suis malheureuse. Je suis responsable. Je fume une cigarette. Je suis responsable. Je ferme les yeux. Je suis responsable. J'oublie que je suis responsable, mais je le suis. Non, c'est ce que je disais. Moi, c'est ma destinée. Après tout, tout est bon. Il n'y a qu'à s'intéresser aux choses et les trouver belles. Les choses sont comme elles sont, rien d'autre. Un visage, c'est un visage. Des assiettes sont des assiettes. Les hommes sont des hommes. Et la vie, c'est la vie. Celui à qui j'ai dit bonjour en entrant, je voudrais faire ta connaissance. Ça t'ennuie ? Moi, je peux bien. Madame la jurée, si c'est une bouffiasse, elle se mettra en colère. Si elle sourit, c'est une femme du monde. Carole. Merci. Saint-Germain, avec un type qui vous montre une photo. Ah oui, c'est vrai. Ah. Alors pourquoi vous dites non? N'importe quoi. Vous êtes ridicule. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous avez l'air idiote. Idiote et mal coiffée. Attendez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. D'entendre Hazy Mountain Mystic ainsi que Yeti Dei. La suite, plutôt la critique de Crowd du Die Podai, sera après les publicités. On va tout de suite écouter de la musique. Alors, Police des Mœurs, Corps Invisible, et je vous dis à tout de suite après les publicités et la toune. Yeah. Football, ce vendredi 16 septembre, dès 19h, CISM vous présente le match opposant les Carabins de l'Université de Montréal aux Stingers de Concordia. CISM s'installe sur les lignes de côté pour vous retransmettre en direct la guerre de tranchées que se livreront ces deux équipes. CISM 89.3 FM, la radio officielle des Carabins de l'Université de Montréal. Global Citizen, le show engagé pour vaincre le sida, la tuberculose et la malaria. Mettant en vedette Usher, Half Moon Run, Charlotte Cardin et plus encore. Au Centre Bell, le 17 septembre. Billets premium disponibles via evento.ca. Mac Miller, la tournée de Divine Feminine, en spectacle au Métropolis de Montréal, le vendredi 9 décembre. Les billets sont en vente dès maintenant à la billetterie du Métropolis au 1-855-790-1245 ou via evenco.ca. Le nouvel album de Divine Feminine en vente dès le 16 septembre. Mac Miller, Métropolis, 9 décembre, présenté par Greenland et Evenco. Sky Stern Black est fier de présenter le retour triomphant de James Blake à Montréal le 5 octobre prochain au Métropolis. Il y dévoilera son plus récent album, The Color of Anything. Pour des billets et plus d'informations, visitez le www.blueskysternblack.com. L'incroyable festival Pop Montréal a lieu du 21 au 25 septembre. Cette grande fête réunit plus de 400 artistes dont John Waters, Psychic TV, The Kill, John Kerr, Rihanna, Jean-Michel Blais, Shinehead, Cry et Kid Kuna. Le festival organise aussi de nombreux événements comme la partie de basketball mythique Pop vs Jock, la célèbre foire d'artisanat Plus Pop, des expositions d'art, des conférences, des activités pour les enfants, des barbecues et plus encore. Rendez-vous à popmontréal.com pour vous procurer des billets, des passes ou pour obtenir de plus amples renseignements. Hashtag Pop Montréal. Le festival AgriRock du 22 au 25 septembre prochain en plein centre-ville de Saint-Hyacinthe. Avec Fred Fortin, Dado B, Brown, les Deluxe, les Hôtesses d'Hilaire, Prieur et Landry et bien plus. 25 bands, 4 jours de folie, 12 lieux, ta tête en confiture. Littérature, art visuel et musique émergente dans un centre-ville en pleine effervescence. À 45 minutes de Montréal, tout ça au Festival AgriRock. Billets, passes, confettis et tralala disponibles au festivalagriRock.com. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Rebonjour, chers auditeurs de CISM. Avant les publicités, vous n'avez pas du tout entendu Police des mœurs et ça donne des savoureuses anecdotes en direct des ondes de la marge. Puisque dans la pochette de l'album La Police des mœurs, ben, il y avait Kraftwerk. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Fait que vous avez plutôt entendu Tour de France. C'était tout à fait agréable et bien en concordance, mais voilà, voilà, ça c'est faire le ménage. Et des fois, on se trompe et on met pas les bons albums aux bonnes places. Mais ce n'est pas le cas durant les Die Pas Die, puisqu'il y a deux albums à écouter. Ils sont bien placés un après l'autre. C'était Sun Ra en premier, puis après c'était Snake Whiskey par la suite. Et c'était bien, bien respecté. Comme j'ai parlé en début d'émission, je suis allée le 28 août dernier au session d'Aïe Pas d'Aïe au Centre Phi. Et comme le veut la tradition, effectivement, je suis arrivée en retard et je crois que ça a encore plus fait un choc pour moi, pour critique de crowd, de sentir toute l'atmosphère de la foule en arrivant vers la fin de Sun Ra, peut-être à 10 minutes la fin de l'album. La salle est faite un peu comme une salle de théâtre. C'est vraiment un double porte qui a un peu l'effet d'un sas. Alors, tu vas de la réalité, transition, spectacle. Et ça a été pour moi une espèce de choc, de calme, de quelque chose de paisible, mais foudroyant en même temps. C'est assez inusité, ce soit aussi paisible en groupe quand on arrive dans une salle de spectacle. Ben souvent, je sais pas, il y a le bar proche de l'entrée, ça jase souvent plus qu'on pense, même quand c'est calme, que les gens sont attentifs, il y a des bruits de verre. Là, c'est le calme absolu. Il y a seulement la musique, un éclairage tamisé, des divans un peu partout, et ça, c'est drôle, tu sais, les espèces de sacs matelas, là. Tu sais que tu donnes des coups en l'air, là, tu le swings en l'air comme un cerf-volant, puis là, il se gonfle tout seul, là. Ça ressemble moi, je trouve que ça ressemble à un kayak, là, ces coussins-là. Bref, il y en avait comme une coupe en avant, fait que les gens étaient couchés un peu façon camping, tandis que d'autres faisaient plus, couchés comme sur ton divan, dans ton salon. Vraiment, le confort de chez soi, quelque chose, je trouvais, de très, très intime, d'être aussi relax, aussi chillage collectif, si on veut. Parce que souvent, quand on va être en spectacle, ben oui, les dossiers sont droits, puis il y a une certaine façon d'être. Fait que oui, les gens sont attentifs pour écouter l'album, mais il y a quelque chose d'hyper décontracté dans leur corps. Fait que j'ouvre la porte, puis boum! Il y a genre juste plein de monde couché, carrément écrasé, pour écouter l'album dans un confort vraiment à 100%. Sauf pour critique de crowd, parce que, ouais, j'oublie de spécifier, oui, confort, c'est beau, mais il y avait comme des espèces de divans avec des espèces de, comment dire, pas de dossiers. Il y avait genre des simili-dossiers, c'est comme un 3 cm de « je te fais à croire que c'est pas juste un pouf long, là ». Bon, ben, c'était ça. Fait que moi, je savais plus comment me placer. J'étais juste comme, voyons, il manque quelque chose. Il manque comme juste pour que je sois assise. En même temps, j'ai pas l'espace pour être couchée, t'es pas assez long. Oui, effectivement, arriver en retard fait qu'il y a moins d'espace non plus. Alors, je l'assume bien, je suis pas en retard, puis je chiale, là, juste que, ouais. Ouais, j'étais comme, je sais pas comment me mettre, je sais pas comment me placer, je sais pas. C'était un peu étrange comme adaptation, cette espèce de calme, cette façon que les gens ils se sentaient à l'aise, puis que c'était pas encore mon cas. Puis tu sais, quand t'arrives, puis c'est le plein milieu là, du morceau, comme une intensité et une intensité de foule, même si elle ne fait rien, absolument rien, t'as l'impression d'arriver dans quelque chose comme si tu courais après le train un peu, puis là, tu vois, t'embarques, puis ouais, ça a vraiment une sensation qui m'a été bien particulière. Mais merci déjà en passant de m'avoir laissé rentrer, parce que aussi ça, j'avais pas non plus envie de gâcher comme l'espèce de bulle dans laquelle les gens étaient. J'ai passé quelques chansons qui peuvent ressembler, oui, à ce que Jeunesse Cosmique sort, mais tant qu'à parler de Snake Whiskey, j'aimerais bien vous passer un court extrait. C'est assez, bon, c'est assez poche, passer un court extrait, tu sais, on a quand même écouté l'album au complet, mais en espérant que ça vous donne un certain aperçu. La Crowd étant partout, l'album a été enregistré plus ou moins en spectacle, puisque c'était un spectacle à la maison, qui devait être dans une cour, finalement, il pleuvait, fait que c'était en dedans, mais oui, de la Crowd, même sur les albums, et aussi, ben oui, dans la salle, la Crowd est assez variée, petite, parce que c'est déjà ce que demande l'événement, fait que disons que ce sera jamais plus que peut-être quoi, une vingtaine ou maximum une quarantaine de personnes, c'est à peu près le cas pour la fois où j'y étais, avec, toutes sortes de gens. C'était très, très varié. Je pourrais pas typer le public qui était présent, mais ressortait du lot un enfant. Et je me disais, avec les albums qu'on écoutait ce jour-là, un garçon de 8 ans, quel bagage musical il va avoir, parce que pour fréquenter ce type de lieu-là, ben, à moins qu'il ait été son père, ce qui m'étonnerait. Non, de circonstances. il y allait avec son papa et non l'inverse. Et je trouve ça assez merveilleux. Surtout que, c'était un enfant, mais ça faisait pas de différence. Il était aussi attentif, aussi, réceptif à l'album que n'importe qui d'autre dans la salle. Fait, je trouve ça extrêmement beau. Et sinon, à la fin, oui, comme il était mentionné avec l'entrevue de Julien, il y a une séance de questions. On jase. Il y a plusieurs personnes qui interviennent, ceux de Jeunesse Cosmique, un spécialiste, Frédéric Galbrandt, qui est dans Héliodrome, qui avait vraiment un contenu intéressant sur l'apport du public dans une écoute musicale, particulièrement en improvisation. Le seul moment que je me sens ça me crie intérieurement, c'est dans ces moments-là, tu sais, de conversation, de causette, de questions. Je sais pas pourquoi, mais je sais que je suis pas la seule, parce que à la question avez-vous des questions, oui, c'est tout le temps de même, c'est toujours silencieux, c'est toujours un petit peu comme vraiment frette. Ce sentiment scolaire, tu sais, celui, t'as deux choix. Tu sais, t'as celui, genre, t'es trop gêné parce que tu veux pas comme briser la glace, puis tu veux pas commencer, puis ça peut, je veux pas, t'es pogné. Le deuxième sentiment, c'est plutôt, tu sais, celui que t'es rempli de bonne volonté, t'as envie d'intervenir, tu sais, t'as envie de dire que t'as aimé ça, mais c'est tout. Il y en a toujours un en passant qui est jamais gêné, là, puis il fait comme, il va passer 5 minutes à dire qu'il a juste adoré ça, puis c'est intéressant aussi de pouvoir le partager avec le public. C'est juste que, l'espèce de j'ai beaucoup de volonté, mais je peux pas lever la main, j'ai rien à ajouter à cette conversation qui est fort pertinente. Les discussions de groupe comme celle-là, remplies d'interventions et de non-interventions, j'en ressens toujours et encore aujourd'hui un sentiment, scolaire. Et finalement, ça n'a pas vraiment rapport avec la Crowd, quoique oui, dans les tirages et les concours, il faut toujours bien qu'il y ait un certain nombre de personnes pour pouvoir faire un tirage. Mais oui, il y avait un coupon, il y avait un certificat de cadeau pour gagner un album, un album que tu choisis, c'était à l'oblique. Mais Colin, c'est moi qui l'ai gagné, fac! Je me suis dit, les chers éditeurs de CISM, ils devaient être pas pire bons pour me suggérer des albums. Fac! Envoie-moi ça sur le Facebook de Critique de Crowd, tu me dis, Jolène, tu devrais écouter tel album, il est excellent et il est pas trop cher, parce que tu sais, c'est quand même un certificat cadeau gentil, là, mais c'est pas trop non plus. Là. Fait que j'ai bien hâte de voir tes suggestions. Alors, hésite pas, tu peux faire ça sur le champ et si t'écoutes les balados, tu peux le faire dans le passé et dans le futur, ça va être excellent. Sinon, écoute, les gens étaient si couchés, si détendus, que je me suis dit qu'on va écouter du Brun Citron. Il est bien criard avec son ukulélé. Il a aussi chanté « Restez couché ». Brun Citron. Sur l'album José, Nicole, Ginette, Sandra se retrouve la chanson Rester couché. Et ben oui, tu peux rester couché chez vous, mais d'aille pas d'aille. C'est tout à fait différent d'écouter un album en groupe dans un beau, beau calme. Alors voilà, je vous repartagerai les prochains d'aille pas d'aille dans les prochaines émissions. Parce que oui, je fais bien des suggestions à chaque semaine. Puis écoute, il y en a tout plein encore cette fois-ci. Ce jeudi, c'est drette là, c'est maintenant. Ben oui, c'est le show de la rentrée de l'Université de Montréal à la Place Lauricienne. Fait que si tu vas aller voir Bernard Adamus, Canaille, Bermude, pas gratis, puis il check pas tes cartes. Fait que, t'es même pas obligé d'être étudiant. Vas-y donc, vas-y donc. Sinon, pour tout le mois de septembre, Bolduc tout croche fait les divans Orange Camp. Fait que si tu veux faire un beau 6 à 8 au divan, mais c'est une encore plus belle occasion parce que Bolduc, il est bien beau. Vendredi, je crois que c'est un spectacle très attendu à la Claire Ensemble au Club Soda. Sinon, moi, je serai au Théâtre Rialto puisque j'irai voir Peaches. Je l'ai toujours pas vu en spectacle, ça a l'air, c'est assez incroyable. Je vous reviens bientôt pour une critique. Samedi, c'est au Studio B dans mon beau Hochelaga Maisonneuve, Le Havre avec Elisa et Van Tassel. Allez-y, mais je pense qu'il faut quand même connaître le chemin, fait que demandez-le au propriétaire du Studio B avant de vous perdre. Dimanche, écoute, j'ai toujours pas eu l'occasion d'en parler. C'est, il y a un spectacle bénéfice pour la passe. La passe qui est, oui, j'allais dire une très belle salle, mais c'est aussi le musée de la littérature québécoise. C'est beaucoup de choses, la passe, la bâtisse en tant que telle. Et justement, c'est ça le problème. Ils sont en avis d'expulsion parce que les sous-sols sont pourris. Alors, je pourrais vous en reparler un peu plus longuement parce que je suis allée voir un show dernièrement à la passe. Mais si vous voulez encourager, parce que c'est très important pour le milieu culturel. Il y a vraiment des groupes, des styles musicaux qui passent pas beaucoup ailleurs qu'à la passe. Ce serait vraiment une triste perte. Alors, je leur souhaite le meilleur et pour ramasser de l'argent, passer ce dimanche. Il y a beaucoup de spectacles à partir de 15h. Alors, voilà. Lundi, mardi et mercredi, peut-être as-tu ou très probablement déjà acheté tes billets pour Godspeed, You Black Emperor. Là, tout se passe au Théâtre Paradox. Mardi, Wild Child avec Susto à la Sala Rossa. Et finalement, mercredi, hey, le punk, tu dois être content que SNFU y revienne au petit campus si tu ne les as pas déjà vus à Québec. Alors, on va continuer tout de suite en musique avec les chansons du palmarès francophone de CISM avec les conversions des sauvages et les ghouls. Yeah. Les Gaules avec la chanson Coma qui se retrouve en 11e position du palmarès francophone de CISM. Et vous avez avant entendu La Conversion des Sauvages, 13e position avec leur chanson Nouakchott. Et toutes ces chansons-là se retrouvent parmi tant d'autres, à vrai dire tant d'autres positions du palmarès francophone. Et tout ça, c'est sur le site de CISM, CISM893.ca ou sur l'application où ça a l'air que maintenant, à cette heure, on est sur la télé. Fait que ceux qui ont le corps, profitez-en. Ben ouais. Sinon, vous écoutez toujours Critique de Crowd sur les ondes de la marge. Et en fin de semaine, c'était le festival Ancient Future. À vrai dire, c'était le 9, 10, 11. Là, fait qu'inclus dans ta fin de semaine, le vendredi, ça se passait au Quai de l'Horloge et on en gare numéro 16 dans notre beau vieux port. Ben oui! De retour dans le vieux Montréal, comme je disais, mais ça me semble, c'est pas comme le lieu où je fréquente le plus la crowd. Tu sais, mais ça me semble, c'est le centre-ville, le plateau. Il y a beaucoup de salles de spectacle. Fait que, ouais, c'était comme un retour. Je dis retour parce que j'y vais jamais. C'est un peu étrange. Je dis retour. Mais quand t'habites pas encore à Montréal, tu sais, le vieux Montréal est quand même la place que tu fréquentes le plus en tant que touriste. Fait qu'à chaque fois que j'y vais, j'ai un sentiment, tu sais, pseudo-touriste dans ma propre ville. Là, tu t'arrêtes pis y a une cabane avec des suçons en sirop d'érable ben trop cher, là, mais tu es comme, des spectacles sur le coin de la rue. Ouais, il y a quand même une ambiance sympathique, là, pas juste du sirop d'érable trop cher, là, mais c'est peut-être moi qui s'est un peu perdu avant d'arriver au festival Ancient Future, parce que je l'entendais pas de loin. Mon feeling, c'était, je sais pas exactement c'est où le quai de l'horloge, fait que je vais y aller au son, je vais m'approcher, je vais bien le sentir, il est où? Il jouait pas fort, il jouait vraiment, vraiment pas fort. Il a fallu vraiment que je sois proche, là, pour un moment donné, entendre quelque chose. Fait que, quand je dis touriste, c'est aussi le fait d'être obligé de s'informer, comme un gardien avec un dossard jaune pour savoir où c'est que tu t'en vas. Mais on était quand même plusieurs centaines à s'être dirigés au quai de l'horloge et au hangar pour profiter de plusieurs artistes musicaux électro et de leurs merveilleuses performances. Et sur la programmation, j'avoue que je trouve ça bien intéressant des artistes qui passent dans le palmarès anglophone de CISM. Robert, Ryan Playground qui a aussi fait une session live, Cree, Project Pablo. Vraiment, ça, je trouve ça très, très joli parmi d'autres têtes d'affiches. Et sinon, le festival commençait quand même de bonne heure. Et moi, j'arrive jamais à l'avance. Fait que si les premiers spectacles étaient vers 3h d'après-midi, je crois que je suis arrivée vers 9-10 heures, question de bien sentir l'ambiance. Oh, pour le bien ou pour le mal, d'arriver à l'heure où tu penses que tu vas saisir l'ambiance, ou faut-il évoluer avec? C'est une question que je me auto-réponds de tout à l'heure. Alors, pour être un peu plus précise avec le festival Ancient Future, bon, on va le dire de même, ben oui, un festival de musique électronique, comme j'ai mentionné, mais il y a différents aspects. Je pense que je pourrais le mettre en trois. Électro, ça c'est le premier. Le deuxième, c'est évasion collective. Ils ont quelque chose de... On est hors temps. L'expression même qu'ils utilisent, c'est voyage hors temps. OK. Mais ouais, tu vois, je suis un peu poignée. Je trouve que c'est drôlement audacieux de dire voyage hors temps. Je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis en même temps, tu sais, ils disent, ça suscite l'imagination, c'est complètement éclaté, innovant, libre, créatif. Je suis comme, wow, ça met de la pression. Mais ça me dit, comme, le festival était à la deuxième année. Puis je suis comme, shit, c'est bien gros. Ben là, je veux dire, tu es hors du temps, ça suscite mon imagination. Je trouve que ça met des niveaux élevés. Personnellement, je suis comme, OK, il va falloir qu'il m'impressionne, mais oui, ils mettent cet aspect-là quand même à l'avant-plan. Je dois être épatée de tous mes sens, donc... Ah! Et sinon, finalement, dans le troisième aspect, si je peux nommer, du festival, c'est le côté multidisciplinaire. Alors... électro, c'est bien confirmé. Les DJ vont jouer. Il y aura de la musique, elle sera électro. Je crois qu'on peut faire un gros check. Sur le deuxième, l'espèce d'évasion, on arrive et oui, il y a beaucoup de marches. Marche dans le sens de marcher avec tes pieds, là, parce que le port, c'est long un bout là, jusqu'au quai de l'horloge. Fait que t'as le temps, genre, je sais pas, de traverser bien de l'asphalte, puis après ça, voir plein de rubans colorés à l'entrée. C'est comme, ah, ben oui, c'est sympathique, c'est cute. et d'être aussi accueilli par des cracheurs de feu. Ça, c'est... Ouais, c'est sûr que c'est quand même particulier. Je savais pas trop c'est quoi être hors temps. Je me suis dit, est-ce que je dois considérer des formes d'anachronisme et d'espace-temps? C'est quoi? Qu'est-ce qui est hors temps? Cracher de feu, est-ce que ça considère du temps dans tout ça? J'osais plus comprendre le concept, mais je savais que j'étais éblouie, tout simplement, parce que je suppose que la dernière fois, j'en ai vu un d'aussi proche. Et... Sinon, dans l'ambiance telle quelle, ce qui est un bon plus au quai de l'horloge, c'est, oui, c'est enchanteur, plein d'arbres, il y a des hamacs, des coussins, ce qui fait que la crowd est un peu partout, relaxe, détendue. Ben oui, tu peux pas t'énerver dans un hamac. Ben, t'es énervé dans un hamac quand tu veux sortir du hamac parce que t'es pogné dedans, là, mais autrement, quand t'es dedans, t'écoutes la musique, c'est doux, ça va bien. Fait, il y avait une espèce de... Ouais, pas une distance entre les gens qui relaxent puis les gens qui dansent, mais oui, il y avait comme deux types de crowd. Tu sais, soit t'étais vraiment devant les scènes, tu dansais, soit, oh ouais, t'es smooth, ça se passe, c'est relax sur le bord de l'eau. Et sinon, oui. Je crois que dans l'aspect multidisciplinaire, j'ai manqué des événements tels que la danse et un peu tout ça. J'ai vraiment juste vu les cracheurs de feu. Et pour l'esthétique, j'ai aucune idée si ça a fait hors temps. Je trouve que, encore une fois, ça met un peu de pression sur l'événement ou sur moi en tant que festivalière. Qu'est-ce que je suis posée voir ou qui est supposée me déconnecter du temps? J'ai l'impression que c'est juste le lieu en tant que tel, le fait de me sentir un peu camping urbain, les arbres, que ça soit paisible, puis en même temps dynamique, puis en même temps bétonné, qui me donne un esprit un peu ailleurs. Et question crowd, c'était... Ouais, je sais pas, c'est peut-être mes autres expériences dans le domaine de la musique électro. Je pensais que les gens allaient être comme colorés, waouh, extravagants, c'est hors temps. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais non, c'était assez normcore, si je peux me permettre l'expression qui n'est plus du tout à la mode, si elle l'a déjà été. Mais au moment même où je me suis dit, hey, la crowd est, ouais, elle a l'air de rien. Bon, elle a l'air de rien. Pendant que je me disais ça, direct devant moi, il y a un gars en chess avec des foufous autour du cou. Puis je suis comme, OK, finalement, j'ai complètement tort. Il y a des gens colorés qui ont décidé de venir s'amuser. Et moi, je me suis un peu trompée parce que le gars, il tenait aussi un bidon d'essence. Fait que là, je me suis dit, ah, c'est un cracheur de feu qui vient joindre ses amis. Et ça, c'est un des aspects un peu particuliers de l'entrée au festival, c'est que ça sent le gaz partout. Je pense que c'est la première fois. Je sais pas, là, moi, je vais pas à des concours de char pis de course, là. Je veux dire, je vais pas à F1, là. Fait que moi, sniffer du gaz, je fais pas ça en crowd. Fait que c'était particulier, effectivement. Et j'ai pas pu m'empêcher de penser aux Fleurs du Tapis. Mais oui, parce que Fleurs du Tapis ont leur chanson « Sniffer du gaz ». Ah ouais, viens-t'en, on s'en va dans le bois. On va sniffer du gaz, on va sniffer du gaz ensemble. On va sniffer du gaz, on va sniffer du gaz ensemble. Service, jusqu'à station service. Oh. méchant avec un peu de solvant, avec un peu de solvant. Chanson et aussi philosophie d'Horloge Chimore, Aucun cadre, qui est aussi le nom de son premier album. Je me suis dit que s'il n'y avait aucun temps, il ne devait y avoir aucun cadre non plus à Ancient Future. Et vous avez aussi entendu Les Fleurs du Tapis, cette merveilleuse chanson Sniffer du gaz se retrouve sur leur album Du Goudron et des Plumes. Ben oui, ancien futur, être arrivé en retard, la plus... Moi, j'étais pas mal vers la fin des scènes extérieures. Alors, là, c'est le moment, là, tu sais, que ça paraît que c'est... c'est pas le genre que je m'y connais le plus, la musique électronique. Fait que là, je notais les heures approximatives des DJ que je voyais pour être certaine de pouvoir les retrouver pour vous, chers auditeurs de CISM. Fac, je suis quasiment sûre et certaine que j'ai vu Kerry Chandler parce que à la scène d'évasion, quand j'ai fait le tour, ben, c'était fini. Infini! Je suis arrivée, il y a un peu de musique, je vais faire le tour du site, m'a regardé si c'est beau, tout est le fun. Boum! Plus de musique! Je suis comme, voyons donc! Vous êtes bien couche-tôt, qu'est-ce que c'est ça? Ça a bien fini de bonne heure! C'est sûr que quand ça commence à 3 heures, mais que ça finit à les petites heures du matin, ben, il faut choisir le moment où y aller. C'est vrai, ça me fait penser, crowd, tu sais. Est-ce que ça t'a. Ben, des fois, au prix du billet, tu sais, à un moment donné, tu vas aller voir le spectacle au complet, là. Mais mettons, justement, des festivals qui commencent à 3 heures, mais qui finissent à 1 heure du matin. Tu sais, y en a-tu une couple de vous autres qui arrivent juste l'après-midi, qui retournent chez eux le soir? On va souper, on a juste eu une belle après-midi où on a écouté la musique puis on a dansé. Non, on dirait qu'il y a juste les pique-niques dans ma tête où c'est vraiment possible parce que ça commence vraiment de bonne heure et ça finit aussi relativement de bonne heure. Mais pour des festivals qui finissent tard, me semble que c'est pas une idée qui devient naturellement. En tout cas, c'est pas la mienne, du tout. Et ouais, dans ce sens-là, j'ai trouvé ça dommage parce que je le voyais bien que les artistes que je connaissais, que j'aimais, ils étaient de bonne heure, mais dans mon agenda, ça fait de moyen. Fait que c'est des choix comme ça. Mais c'est surtout une très belle découverte parce que c'est pas du tout une découverte pour les gens qui étaient devant Kerry Chandler. Écoute, c'est... ce gars-là, il est considéré comme l'un des fondateurs du Deep House. Rien de moins. Fait que quand j'ai fait mes recherches, j'ai fait « Ah! » Ah! Je comprends pourquoi les gens étaient aussi emballés, tu sais, comme, ils sont devant un fondateur. C'est le genre de moment, ouais, qui élucide des grands mystères pour moi. Je dis emballement parce que des fois, oui, être devant un DJ qui est bien haut et qui est bien loin et la piste de danse, il y a même une drôle de relation avec l'artiste. Mais pour Kerry, c'est fou, là. Il y avait vraiment un emballement. Je sais pas pourquoi, ça me surprenait. Peut-être pour le reste de l'ambiance du festival qui est assez, ouais, calme, posé à Mac, là. Fait que l'espèce de crowd qui était compact, je trouve pas que c'est le terme le plus juste. Pas que c'était « Ah mon Dieu, il y a tellement de monde, c'était compact », juste que c'était difficile de se faire une place. J'ai fait 2 tentatives même. La première, je suis partie du fond de la crowd pour m'avancer tranquillement en frayant mon chemin. Ah, pantoute, ça marchait pas. Déjà, je faisais le monde jacassait, ça dansait puis ça s'en allait, ça revenait. Et ouais, c'était difficile de se faire une place juste pour les déplacements. Et quand j'ai plutôt tenté, oui, tu sais, il y a de la stratégie à critique de crowd. Moi, quand je suis comme passé plus vers la droite, non, la gauche, Hélène, ta gauche. Là, je passais vers la gauche, qui donnait aussi un bon point de vue sur le DJ, aussi sur sa crowd derrière lui, qui chulait avec lui, on dirait bien, et les gens plus à l'écart qui pouvaient se permettre de plus grands mouvements de danse, plus grande liberté. Et à ma droite, la crowd qui, elle, était bien emballée. Je pense que, moi, c'est comme ça que j'ai réussi à me trouver une petite place, me faufiler. C'est un peu drôle de dire que j'ai trouvé la crowd coriace. Mais ouais, il y avait un peu de ça, je suis comme... On dirait que je dirais comme... ça part. C'est difficile. Même pour danser, les gens étaient vraiment heureux. Mais il me semble que... Tu sais, c'était pas juste on dandine pour s'ambiancer, là. Il y avait des véritables mouvements de danse. C'est juste que t'étais comme pogné des bras. Fait que tu dansais juste de l'avant-bras. Tu dansais du petit bras, écoute, ça... Tu peux pas avoir comme toute l'amplitude de ton mouvement. Il y avait aucune retenue, juste que tu cognais le monde autrement. Ça, c'est comme la fille qui a essayé de prendre une photo. Je sais plus si elle avait un bâton pour les photos ou non, là, mais elle désespérait. Vraiment, il y avait trop de bougeage, trop de monde. Elle y arrivait juste pas. Pour moi, j'ai trouvé aussi particulier... c'était pas de la complicité. Il y avait pas de complicité de crowd, mais l'emballement était... grand pour certains spectateurs qui tenaient, on dirait, pas absolument, mais ça venait juste naturellement, impulsivement, de le partager. Comme crier « Oh my God », tu peux le crier « Oh my God », comme pour tout le monde et partout dans les airs. Mais quand il y a quelque chose d'un peu visé vers les gens, puis dire « Ah, check la toune », puis il capote. Il y a comme des choses de « Faut absolument que je le dise à la terre entière et à toi, entre autres, parce que tu es devant moi. » Mais sans vouloir, l'espèce de... Pour moi, la complicité de crowd, c'est silence, puis tu sais, c'est un sourire léger. Tu sais, l'espèce de « Hey, on était ensemble à chaud, là. Puis on n'est pas ensemble, tu sais, on se connaît même pas, mais on était ensemble, on était ensemble. Là, c'était là, c'est comme, ah! Ah, check la toune! Fait que, j'étais surprise de ce moment de crowd. Pas complice, mais en même temps, j'en étais témoin. Ouais, c'est particulier comme ça, particulier. Parce que moi, heureusement que lui, c'était beaté, c'était ambiancé, c'était le fun. Parce que autrement, j'avoue que personnellement, peut-être aussi parce que c'est pas un genre que je connais assez bien, parce que c'est pas un artiste justement que je connaissais point, mais ouais, il y avait bien des aspects qui faisaient que j'avais la misère à embarquer. Ça a été pour moi une expérience difficile en tant que spectatrice, mais visiblement pour le festival, ceux qui sont amateurs de musique électronique sont comblés. Vraiment, ils ont aimé. En avoir jasé à plusieurs, ils étaient heureux des lieux, heureux des artistes, mais si moindrement, c'est pas trop ton truc. Ouais, c'était comme un petit de plus à aller comme pousser en tant que spectateur pour avoir plus de plaisir. Hey, on va continuer la musique tout en rap. Et, bon, j'aime ça les concepts. Fait que ancien, futur, ben, c'est des termes que les rappeurs aiment bien, dont Monkey avec Souvenir de mon futur. Ce sera suivi de Eddie, ancien. Je me souvenais, souvenir de mon futur, je me souvenais, souvenir de mon futur, je me souvenais, souvenir de mon futur, je me souvenais, souvenir, souvenir de mon futur. Futur et le passé sont divorcés, mais récemment leur amour est mort et le présent représente leur testament. De ce mystère, j'apprends tout est connecté, on ne fait que se projeter vers l'avant, ne perd pas de temps. Dans l'infini, le temps se perd, mec tout, mec, et l'énergie en transfert. On vit aujourd'hui les conséquences de demain, on devient nos rêves, des cauchemars laissés au bord du chemin. Mécanisme inconscient, on devient ce qu'on ressent, des grains de sable, d'un sablier placebo pour nos vies virtuelles, connectées en réseau, le danger de nos visions, ou leurs bénédictions qui n'ont et guériront selon toute prévision le présent. Le passé et le futur, cette trinité ne fait qu'un dans laquelle l'infini murmure. Je me souvenais, souvenir de mon futur, je me souvenais, souvenir de mon futur, je me souvenais, souvenir de mon futur, je me souvenais, souvenir, souvenir de mon futur. Car mon passé me rattrape, je m'en souvenais, je suis capable. Chaque page du livre que j'ouvre prouve qu'on est malade. Aucun vaccin durable contre le destin incurable. L'espace-temps est une prison dont les murs parlent. Tu regardes les barreaux et la lumière qui rentre. Vis aujourd'hui les prémonitions d'hier qui en prière vivante. Comment sortir de la matrice, les caprices m'habitent et laissent des cicatrices intemporelles. Le temps me possède, ce grand sommeil est sensoriel. Le temps m'obsède, le présent m'observe, même quand je me pince. Ça ressemble à un rêve, on semble connaître l'être. Mais son essence nous échappe, nos sens nous écartent. Au temps, mauvais temps, on voit l'héritage du tic-tac sur nos visages. Je dis que la vie et la mort, le hasard n'existe pas. Je me souvenir, souvenir de mon futur, je me souvenir, souvenir, souvenir de mon futur, je me souvenir, souvenir de mon futur, je me souvenir, souvenir de mon futur, je me souvenir, souvenir de mon futur, je me souvenir, souvenir de mon futur, je me souvenir, souvenir, souvenir de mon futur, je me souvenir, souvenir de mon futur. Pour tous ces petits vieux qui sont là, qu'on regarde et qui nous regardent, ces petits vieux qui mangent pas de pain, ou du moins qui peuvent plus en manger. J'aurai des petits-enfants ébahis qui me diront « Papy, est-ce que t'as vraiment appris à écrire avec un stylo ?» Je leur répondrai « Bah oui, j'ai même connu la oui, ça faisait partie de ma vie, mais je pensais pas que c'est aller si loin. » J'ai vu la France salie par des salauds partir en sucette comme si l'enfer c'était là et je restais seul dans le salon. J'avais un parti pris, mais partant de guerre, ils partaient loin. Moi, je voulais pas tout gâcher, juste mes amis et du silence. Les vieux ça te regarde de haut, mais pas tellement. Comme s'ils avaient compris qu'il y avait rien à comprendre. La dernière fois, au bar avec un vétéran, il me disait des trucs de fou sans dire j'invente rien. Un minap qui tyrannise ses synapses à la vinasse. Ne pas trop juger le petit crâne divagant d'un ancien pirate. Ça se voyait dans le regard, oui c'était pas du chiqué. Comme si j'avais systématiquement du retard sur l'échiquier. Oh papy, pose le fait et raconte-moi toutes tes galères, si t'as envie, je suis à toi, toi, toi. T'as mal au genou, je sais, arrête de penser qu'à ça. De façon, même étant jeune, t'aurais pas fait Yamakasi. Dis-moi, papy, qui c'est qui a bu tous ces tonneaux? T'as fait cul sec, mais toi, tu trouverais un détonnant. Qui sait, ça sera peut-être son tour cette année d'aller rejoindre le bon Dieu ou Satanas. Peut-être qu'ils sont pressés parce que le plaisir s'atténue. Peut-être qu'ils perdent la mémoire pour oublier que c'était nul. J'en sais rien, mais sincèrement, ça me fait flipper les rotulants. Mais je n'aurais même plus le courage de penser pouvoir m'en mettre. Et si mes enfants me voyaient juste comme gentil grand-père, en effet, ça serait difficile à supporter sur mes gambettes. Je regarderai les filles passer en me rappelant dès l'aîné. À chaque fois que j'aurai des potes, ils décéderont dans l'année. Je serai de plus en plus triste en me rapprochant de la mort. Et une jeune infirmière osera me demander d'aller mieux. Oh, papy, pour se faire, et raconte-moi toutes tes galères. Si t'as envie, je suis à toi. J'aurai des petits enfants et bye. J'aurais des petits enfants et bye. Qui me diront, papy, est-ce que t'as vraiment appris à écrire avec un stylo? Je leur répondrai, bah oui, j'ai même connu la oui, ça faisait partie de ma vie, mais je pensais pas que c'est aller si loin. J'ai vu la France salir par les salauds partir en sucette comme si l'enfer c'était là, et je restais seul dans le salon. J'avais un parti pris, mais partant de guerre, ils partaient loin. Moi, je voulais pas tout gâcher, juste mes amis et du silence. Ah mon Dieu, il finit ben sec et dit calme tes nerfs. Alors c'était la chanson ancienne que vous avez entendue sur les ondes de CISM et Critique de Crowd est toujours à Ancien Futur, Ancient Future. Et ben oui, écoute, il y a deux scènes extérieures, mais il y en a aussi une à l'intérieur du Hangar 16. C'est drôle qu'ils disent hors temps, tandis que l'ambiance à l'intérieur pouvait rapper pour plusieurs. Je dis pour plusieurs parce que je l'ai pas vécu de mon vivant. Tu sais, dans les années 90, j'étais ben trop jeune pour pouvoir confirmer qu'on avait un feeling de rave. Mais oui, l'aspect bien industriel, un peu glauque du hangar, fitait avec la musique, quelque chose de bien techno. Là, c'est un peu drôle parce que, encore une fois, je suis comme pas certaine de ce que j'ai vu. Je crois que d'après le set, j'ai vu Taz & Giovanni Dizzy, mais on va écouter un extrait. Tu sais, c'est quand même beaté, ça marche. Mais j'ai plus l'impression qu'on a écouté All Room. Un aspect bien froid, là, avec le hangar, ça fitait complètement. Alors, je pourrais pas confirmer l'artiste que j'ai vu et je suis pas restée peut-être assez longtemps voir les différences dans la crowd au hangar. Surtout parce que y a rien qui ressortait de particulier. Les gens étaient assemblés bien en avant, bien concentrés, très droits devant le DJ, quasiment en rond d'oignon et dansaient. Ça, c'était, oui, bien confirmé, bien affirmé. Jamais des grands mouvements, mais plus qu'ambiancé, là. Pas juste pour le mood. Non. On est là pour les artistes et c'est bien là. Et encore une fois, aucune action est un peu étrange ou inhabituelle de la part de la foule. Les gens costumés. Bah, c'est pas la première fois qu'on en voit avec des masques neutres de théâtre ou des pirates. C'est pas clair entre les deux. Écoute, c'était soit l'initiation, soit c'était un club de mime qui a fait son tour, ou tout simplement une façon de se retrouver ou de s'amuser encore plus. Pourquoi pas? Mais ce qui va avoir surtout retenu mon attention dans le hangar, ça n'a pas tant rapport avec la foule, mais elle était présente pour la foule. C'était un kiosque d'insectes. Ah oui, tu peux faire une dégustation de grillons et de fourmis volantes en petits morceaux. Fait que tu mangeais comme juste des petits bouts de fourmis, comme des billes de fourmis. J'avais jamais vu ça à un festival. Je restais un peu bête. Je me suis dit, c'était un peu sur le party, mettons. Tu t'amusais beaucoup, soyons fous. Et que tu te dis le lendemain matin, je vais manger des fourmis. Ça se peut que tu restes un peu bête. Parce que moi, je me sentais un peu comme, ah ouais. J'ai jamais eu l'envie d'aller au biodôme, moi, dans la vie. Non, c'est à l'insectarium, tu peux manger des bébites. Bref, peu importe le lieu, là, c'était pas mon intention de vie, puis ça s'est passé. Ça s'est passé en ancien futur, puis pas à peu près. J'ai tout goûté. Oh là! Je peux te confirmer que parmi la crowd des insectes, des grillons, c'est sec. J'avais l'impression de manger de la poussière épicée. Puis sinon, manger des fourmis, ben c'est comme, oh mon Dieu, ça n'a pas rapport, là, c'est comme croustillant sur le bord, mais à l'intérieur, c'est pas gélatineux ni liquide. C'est quelque chose entre. Fait que voilà, maintenant, chers auditeurs de CCSM, t'as plus besoin de manger une crowd de bébites. Critique de crowd l'aura faite pour toi. Et, ben, les secrétaires volantes, ils ont une chanson qui dit « Ma tête est une fourmilière ». Peut-être ça te fait feeling-là le lendemain quand tu dis que t'as mangé le grillon, que ta tête est aussi une fourmilière. Sur ce, ben, écoute, c'est un festival que je recommande vraiment plus pour les gens qui aiment vraiment la musique électro. J'ai l'impression qu'eux autres en tiraient vraiment un gros trip, tandis que, ben, ça a été un peu moins mon cas, soyons bien francs. Mais c'est une deuxième édition. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire par la suite. C'était à la fois artisanal, coloré. Je dis artisanal pour les décorations, le style. Et j'ai trouvé que, ouais, là-dessus, je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça beau de vivre ça. Alors, voilà. On se retrouve la semaine prochaine et on écoute les Secrétaires Volantes. Bye bye. Vos études sont peut-être finies, mais pas votre progrès. Les diplômés du campus de l'Université de Montréal obtiennent 20 % de réduction sur l'abonnement au CEPSOM. Visitez le cepsom.umontréal.ca pour tous les détails. Inscrivez-vous dès maintenant. Ne manquez pas Bernary en spectacle à la Sala Rossa le 15 septembre prochain. Billets en vente au salarossa.com et à la porte le soir du spectacle. Le monde en tes yeux.